Chapitre 13. L'Anaon. Le peuple immense des âmes en peine s'appelle l'Anaon. Ce mot, qui est étymologiquement un pluriel, est traité comme un nom collectif singulier dans quelques dialectes bretons. La pensée de l'Anaon est associé à tous les actes de la vie bretonne. Les repas de noces même se terminent par un De Profundis. À l'île de Saint, lorsque les enfants vont, le 31 décembre au soir, souhaiter de porte en porte la bonne année, on leur distribue à chacun, dans chaque maison, une tranche d'un gâteau spécial qu'on a cuit la veille pour la circonstance, et les enfants, en recevant ces étrennes, doivent dire en guise de remerciement « Joie dans Anaon, joie aux âmes ». C'est aussi bien la formule courante pour prendre congé quand on sort d'une maison. Quelquefois, on la paraphrase en ces termes. « Benos due vargementini, aso elda Anaon, deus antime ». La bénédiction de Dieu soit sur tous ceux qui sont devenus des Anaon, parmi les hôtes de cette maison. Lorsqu'on n'a plus à se servir du trépied, il est mauvais de l'oublier au feu. Parom an trebe var antan, an anaon paur ave en poan. Quand reste le trépied sur le feu, les pauvres âmes sont en peine. Si le trépied reste au feu alors qu'on n'en a plus besoin, il faut avoir soin de placer dessus un tison allumé afin d'avertir les morts qui voudraient s'y asseoir que le trépied est encore brûlant. Les morts ont toujours froid et cherchent constamment à se glisser jusqu'au foyer où ils s'assoient sur le premier objet venu. Il importe de leur éviter des méprises douloureuses. Dans le Morbihan, on enlève le trépied parce que les morts voudraient s'y asseoir et que, s'ils le faisaient, un des membres de la famille mourrait dans l'année. Un revenant, qui était l'âme d'un petit garçon, s'était assis sur un trépied que la servante, par méchanceté, avait fait chauffer. La servante mourut dans la nuit. Il n'est pas bon de balayer la maison après le coucher du soleil. On risquerait de balayer, avec la poussière, les âmes des morts qui, à cette heure-là, obtiennent souvent la permission de rentrer dans leur ancien logis. Jamais dans le district de l'Esnevin, on ne balaye une maison la nuit. On prétend que c'est en éloigner le bonheur, que les trépassés s'y promènent et que les mouvements d'un balai les blessent et les écartent. Ils nomment cet usage proscrit « skuik an anaon ». Balayement des morts. Surtout, si le vent fait rentrer la poussière, il faut se donner bien garde de la rejeter dehors une seconde fois. Les gens qui manquent à ces prescriptions ne peuvent dormir sans être, à tout moment, réveillés en sursaut par les âmes défuntes. Quand on balaye le soir, on chasse la Sainte Vierge qui fait sa tournée pour savoir dans quelle maison elle peut laisser rentrer ses âmes préférées. Comte de Villiers, de l'île Adam, recteur de Ploumilio, côte du Nord. Il est bon de laisser couver un peu de feu sous la cendre, pour le cas où le mort voudrait revenir se chauffer au foyer de son ancienne demeure. Tant qu'il fait jour, la terre est aux vivants. Le soir venu, elle appartient aux âmes défuntes. Les morts ouvrent les yeux à minuit sonnant. Verus Mort, Voyage en Basse-Bretagne, page 340. En Galles, on croit que les âmes des morts viennent à minuit et doivent s'en retourner au chant du coq. Owen, Welsh Folklore, page 192. Les honnêtes gens font en sorte de dormir toute porte close à l'heure des revenants. Il ne faut jamais rester dehors sans nécessité après le coucher du soleil. Les heures particulièrement indues sont entre 10 heures du soir et 2 heures du matin. un homme rencontre la nuit un inconnu dans un chemin isolé. Quelle heure est-il, s'il te plaît ? Il est, dit l'inconnu, l'heure de dormir pour le vivant et l'heure de se promener pour le mort. Là-dessus, il disparut comme si le chemin l'avait englouti. Dautin, Contes et légendes d'Irlande, page 143. On ne doit jamais aller seul, la nuit, durant les heures indues, chercher un prêtre, un médecin ou une sage-femme. Mais il ne faut pas non plus être plus de deux. En Galles, on dit que de deux personnes allant ensemble, une seule peut voir le revenant et lui adresser la parole, et c'est à celle-là qu'il répond. Sinon, il reste silencieux. Owen, Welsh Folklore, page 192. Il n'est pas bon de siffler quand on est dehors la nuit sous peine de s'attirer le courroux de l'ânon. Dans le Morbihan, on connaît le siffleur de nuit, R8 et Lournouz, qui est un revenant dangereux. Le Rouzic, Carnac, page 63-118. Quand on va pour franchir un talus planté d'ajoncs, il faut avoir soin, au préalable, de faire quelques bruits, de tousser par exemple, pour avertir les âmes qui y font peut-être pénitence et leur permettre de s'éloigner. Avant de commencer à couper un champ de blé, on doit dire « si l'Anaon est là, paix à son âme ». Monsieur Dolo, recteur de Saint-Michel en Grève, se promenait un jour à la campagne en compagnie d'un monsieur de la ville. Le chemin qu'il suivait était bordé d'une double haie d'ajoncs. Le monsieur, tout en marchant, s'amusait à étêter à coups de canne les pousses qui dépassaient des autres. Le vénérable Dolo lui prit brusquement le bras et lui dit « Cessez ce jeu ! Songez que des milliers d'âmes accomplissent leur purgatoire parmi les ajoncs et que vous les troublez dans leur pénitence !» Lorsque, cheminant par temps de pluie, vous voyez sur la route mouillée des parties sèches, soyez assuré qu'il y a là des anaons faisant pénitence. Aussi pressés que les brins d'herbe dans les champs ou que les gouttes d'eau dans l'averse sont les âmes qui font sur terre leur purgatoire. Toutes les fois que l'on nomme un trépassé, si l'on ne veut pas encourir sa colère, il ne faut jamais manquer à faire suivre son nom de la formule sacramentelle. Due de bardono, Dieu lui pardonne. Ceux qui autrefois écourtaient leurs prières du matin ou du soir et allaient à leur ouvrage ou gagnaient leur lit sans prendre le temps de dire l'amen final, errent par les chemins abandonnés en murmurant des pates nôtres. Arrivés à la dernière phrase, ils s'interrompent tout à coup et ne parviennent jamais à trouver le mot qui achève la prière. Par exemple, on les entend qui répètent désespérément « Sed libera nos a malo, sed libera nos a malo ». Ils ne seront délivrés que le jour où quelque vivant aura assez de courage et de présence d'esprit pour leur répondre « Amen ». Il suffit cependant qu'un passant qui va récitant ses prières par les chemins prononce le mot que cherche l'âme en peine pour que celle-ci soit sauvée. Certaines âmes sont condamnées à faire pénitence jusqu'à ce qu'un gland, ramassé le jour de leur mort, soit devenu un plant de chêne propre à quelque usage. Tel fut le cas de Juan Caïnec. Mais Juan Caïnec avait été de son vivant un homme avisé. Et il lui en était resté quelque chose après sa mort. Le gland, semé le jour de son trépas, ne fut pas plutôt hors de terre qu'il coupa la jeune pousse et en fabriqua une cheville de voiture. grâce à ce stratagème, il n'eut pas longtemps à rôtir dans les flammes. Il y a beaucoup de champs qui sont divisés en parcelles, appelées en breton « tachenou ». Ces parcelles ne sont en général délimitées que par des bornes en granit plantées à chaque angle. Or, il ne manque pas de gens peu scrupuleux qui, ayant acheté ou loué une de ces tachenou, vont, de nuit, déplacer les pierres bornales afin de gagner un bout de terre sur la propriété du voisin. De là des contestations fort longues et sur lesquelles les tribunaux sont presque toujours hors d'état de se prononcer puisqu'il n'y a jamais eu d'arpentage préalable et que les bornes seules font loi. Le plus souvent, le voisin lésé n'a de recours qu'en la justice de Dieu. C'est donc devant elle qu'il assigne le coupable en disant « Puisse la pierre que tu as déplantée peser de tout son poids dans la balance de tes péchés au seuil de l'autre monde. » Aussi n'est-il pas rare que l'on rencontre la nuit, par les chemins ruraux ou dans les voies charretières, des gens courbés en deux sous le faix d'un lourd bloc de pierre qu'ils ont une peine infinie à maintenir en équilibre sur leur dos. Ils se traînent avec accablement et vont répétant d'un ton lamentable la même question éternelle à tous les passants qu'ils croisent. « Peler alakin meheman, où poserai-je ceci ?» Ce sont les anandes des déplanteurs de bornes que Dieu condamne à errer ainsi sur terre, en quête du point précis où était primitivement placée la pierre bornale, sans qu'ils le puissent retrouver par leur seul moyen. Pour les délivrer, il faut que quelque vivant ait la présence d'esprit de leur répondre « Laketa nezan elerma oa, posez-le où il était. » Pierre Le Goff, Argol. Les deux amis. Deux valets de labour de Bossorel, Pierre Le Cam et François Courtès, s'aimaient d'une amitié si étroite qu'ils n'avaient rien de caché l'un pour l'autre et qu'ils mettaient tout en commun, les peines aussi bien que les plaisirs. Il y avait 10 ans qu'ils vivaient ainsi dans la plus parfaite union, sans que jamais le moindre désaccord se fût élevé entre eux. « La mort seule est capable de nous séparer, » disait-il. Encore s'était-il juré que le premier qui mourrait viendrait, avec la permission de Dieu, renseigner son ami sur son sort dans l'autre monde. Ce fut Pierre Le Cam que l'encou frappa le premier. Il fut emporté par une fièvre maligne, ayant à peine atteint ses 25 ans. Courtès ne quitta pas son chevet durant toute sa maladie et ne s'éloigna de sa tombe que lorsque le fossoyeur eut fini de niveler la terre bénite. La nuit qui suivit l'enterrement, il s'alla coucher à l'heure habituelle, mais ne dormit pas. Sa pensée était trop occupée de savoir où était son ami, ce qu'il faisait, et s'il n'était pas trop triste d'être parti du milieu des vivants. Une autre raison qui l'empêchait de se laisser aller au sommeil, c'est l'attente où il était de recevoir la visite du pauvre Pierre Le Cam, et pour rien au monde, il n'eût voulu qu'il le trouvât endormi. Comme il songeait à toutes ces choses, le cœur navré, voici que, sur le pavé de la cour, il entendit marcher. Au seul bruit des pas, il reconnut que c'était son ami qui venait vers lui, et presque aussitôt, en effet, la porte de l'écurie où il couchait s'entr'ouvrit. Je ne m'étais pas trompé, pensa-t-il. Si désireux qu'il fût de revoir celui qu'il aimait, il ne laissa tout de même pas de tressaillir d'un frisson quand la voix qui lui était chère demanda dans l'obscurité « Dors-tu, François ?» Il répondit avec douceur « Non, Pierrick, je ne dors pas, je t'attendais. Eh bien, lève-toi et viens. » Courtès ne sentit même pas où il le voulait conduire et se leva sur le champ. Lorsqu'il fut habillé, il se dirigea vers la porte et, sur la pierre du seuil, il vit Le Cam debout, drapé dans son linceul. Comme il le regardait en ce triste accoutrement d'un air affligé, Le Cam lui dit « Hélas, oui, mon ami, Ce linceul est désormais tout ce que je possède. Et comment es-tu là-bas? C'est pour que tu le voies que je suis venu te chercher, car j'ai le droit de te le faire voir par toi-même, si tu y consens, mais je n'ai pas le droit de te le raconter. Allons, repartit François Courtès, je suis prêt. Son ami l'entraîna rapidement vers l'étang du moulin de Goisvade, qui était à un quart d'heure environ de la ferme. Quand ils furent arrivés au bord de l'eau, le revenant dit à son compagnon « Quitte tes vêtements, y compris tes sabots, et mets-toi tout nu. »« Pourquoi faire ? » interrogea l'autre un peu troublé. « Pour entrer avec moi dans l'étang. »« Y penses-tu ? La nuit est bien fraîche, les eaux sont hautes, et je ne sais pas nager. » « Sois tranquille, tu n'auras pas à nager. »« Du reste, après tout, advienne ce que pourra. Je suis résolu à te suivre, quelque part que tu me mènes, je te suivrai. » À l'instant même, le mort se précipita dans l'étang et le vivant y fut aussitôt que lui. Tous deux s'enfoncèrent, jusqu'à ce que leurs pieds eussent touché le sable. Le cam tenait Courtès par la main. Celui-ci était tout étonné de respirer sous l'eau avec autant d'aisance que s'il eût été à l'air libre. Mais, par exemple, il grelottait de tous ses membres et ses dents claquaient aussi fort que des cailloux qu'on entrechoque. Il faisait un froid terrible dans cet étang glacé. Au bout d'une heure, peut-être, qu'ils étaient là, Courtès, qui se sentait transi, s'informa. « Est-ce que j'ai longtemps à demeurer ici ?» « Es-tu donc si pressé de te séparer de moi ?» repartit l'autre. « Non, certes, et tu sais bien que je ne suis jamais plus heureux que lorsque nous sommes ensemble. Mais il fait horriblement froid, et je souffre plus que je ne peux dire. Eh bien, triple ta souffrance, et tu auras une faible idée de ce qu'est la mienne. » « Pauvre cher Pierrick, et note encore que tu la diminues par ta présence. » Et même que tu abrèges mon temps d'épreuve en le partageant. Je resterai donc autant qu'il sera nécessaire. Quand sonnera l'Angélus du matin, tu auras ta liberté. Il sonna enfin au clocher de Beausorel cet Angélus. Courtès se retrouva sain et sauf à l'endroit où il avait laissé ses hardes. Adieu, lui dit son ami dont la tête seule émergea de l'eau. Si tu te sens le courage de recommencer ce soir, « tu me reverras. »« Je t'attendrai comme hier, » répondit Courtès. Et il alla rejoindre au champ les hommes de la ferme, tout comme s'il avait passé la nuit à dormir. Le soir venu, il se coucha, mais tout habillé, pour être plus vite prêt à l'appel de son ami. Celui-ci parut à la même heure que la veille, et, comme la veille, tous deux se rendirent à l'étang. Là, les choses se passèrent identiquement, de la même façon, sauf que les souffrances du vivant furent deux fois plus cruelles. « Ton courage ira-t-il jusqu'à recommencer une fois encore, une seule fois ?» lui demanda le mort. « Dussé-je en périr, je te serai fidèle jusqu'au bout, » dit Courtès. Quand il arriva pour prendre son ouvrage, le maître de la ferme fut frappé de voir combien il était pâle et défait. « Ce bonhomme-ci, pensa-t-il, doit passer la nuit au cimetière, sur la tombe de l'ami dont la perte le rend inconsolable. » Et il se promit de le guetter le soir même. Il dut guetter jusqu'à minuit. Comme la lune était claire, il vit alors le revenant traverser la cour, pousser la porte de l'écurie, y pénétrer, puis en ressortir avec François Courtès, et les deux jeunes hommes, le vivant et le mort, s'acheminer vers le moulin. Il se glissa dans l'ombre des talus sur leurs traces. Une touffe de saule qui surplombait l'étang lui permit d'assister à leurs plongeons et d'entendre leur conversation sous l'eau. « Oh, je n'en peux plus, je n'en peux plus !» gémissait Courtès. Et l'autre ne cessait de répéter à son ami « Du courage, du courage !»« Non, je sens que je défaille. Jamais je n'irai jusqu'à l'Angélus. » « Si, si, sois fort, encore 2 heures, encore 1 heure et demie, et grâce à toi, je vais être délivré. Songe à cela, tes peines vont finir et tu m'auras ouvert les joies du ciel où tu ne tarderas pas à me rejoindre. » Le fermier derrière son saule suait une sueur d'angoisse. Il eût souhaité de s'enfuir et n'osait faire un mouvement. Enfin, le firmament blanchit. À Bossorel, l'Angélus sonna. Aussitôt, du fond de l'étang, jaillirent deux grands cris. « François ! Pierrick !» Et le fermier vit une espèce de fumée qui s'élevait au-dessus des eaux, puis se perdait dans les nuages, tandis que Courtès, exténué, venait s'abattre presque à ses pieds sur la berge. Il s'empressa de bondir à son aide, lui passa ses vêtements et, comme il était hors d'état de marcher, le porta sur ses épaules jusqu'à la ferme où le pauvre garçon n'eut que le temps de recevoir l'extrême onction avant de rendre le dernier soupir. Conté par Jean Dénez. Guerlesquin. Les enfants morts sans baptême errent dans l'air sous la forme d'oiseaux. Ils ont un petit cri plaintif comme un vagissement. On les prend souvent pour des oiseaux véritables, mais les vieilles gens ne s'y trompent point. Ils attendent ainsi, disséminés dans l'espace, que vienne la fin du monde. Saint Jean le baptiseur leur administrera alors le sacrement qui leur manque, après quoi ils voleront tout droit au ciel. Les saintes, avant d'entrer au paradis, peuvent passer par les limbes pour voir leurs enfants morts sans baptême, les saintes surtout qui ont beaucoup prié pour les âmes abandonnées. Les âmes des capitaines de navires qui ont été brutaux avec leurs équipages, comme il n'arrive que trop souvent, sont condamnées à passer dans le corps d'un petit oiseau de mer, tout noir, avec des pattes courtes et palmées, qui rament à la crête des vagues les jours de tempête et que l'on appelle le satanil. Le littré écrit « satanicle » et prétend que c'est le même oiseau que le pétrel. C'est un annonciateur de la tourmente comme le pétrel. Les marins qui sont au large disent quand ils le voient passer « Celle n'avelez qu'etroiz ine urhabiten doanet auton d'aglas qu'à faire diusomp. » Regarde, ne voilà-t-il pas encore l'âme d'un capitaine damné qui vient nous chercher noise ? Philippe de Paimpol. Il en est d'autres parmi les âmes qui accomplissent leur pénitence sous la forme d'une vache ou celle d'un taureau, suivant le sexe qu'elles avaient de leur vivant. Les âmes de riches sont parquées dans des champs stériles où ne poussent que des cailloux et quelques herbes maigres. Les âmes de pauvres trouvent à brouter abondamment dans des pâtures opulentes où il ne manque ni trèfle ni luzerne. Elles ne sont séparées les unes des autres que par un muret en pierre sèche. La vue des pauvres si libéralement traités ajoute encore à l'amertume des riches, de même que la misère de ceux-ci rend plus savoureuse la joie de ceux-là. En vérité, à quoi servirait l'autre monde s'il n'était pas l'opposé d'une autre ? Communiqué par Henri Barré, Pont-l'Abbé, 1887. Le lièvre de Quatnizan. Tous les châteaux en ruine ont leur lièvre enchanté, Sordet. Rien que dans le pays de Lannion, il y a le lièvre du château de Tonquédec, celui du château de Quatfrec, celui du château de Quatnizan, celui du château de Kéram et d'autres que j'oublie. Ces lièvres, ce sont les âmes des anciens seigneurs qui font leur pénitence sous cette forme. Parce qu'ils faisaient trembler tout le monde de leur vivant, ils ont été condamnés à devenir le plus peureux des animaux après leur mort. Ils ne sont délivrés que lorsqu'ils ont essuyé de la part des chasseurs, qui tirent sur eux sans savoir qui ils sont, autant de coups de fusil qu'ils en ont tirés ou fait tirer eux-mêmes sur les pauvres gens qui étaient autrefois sous leur dépendance. Le plomb les traverse de part en part sans les tuer et sans qu'il se répande une goutte de sang, mais il ne souffre pas moins le même mal que s'il mourait à chaque fois. C'est ainsi que Jérôme Lostis de Plusunet, chassant un jour sur les terres de Quatnizan, vit un lièvre de taille extraordinaire se lever devant ses pas et chercher refuge dans le colombier. « Ma foi !» se dit-il tout content, « c'est comme si je l'avais dans ma gibecière !» Une chose pourtant l'étonna, son chien qui, comme lui avait vu la bête, ne paraissait nullement désireux de se précipiter à sa poursuite. Il dut entrer seul dans le colombier. Le lièvre était là, acculé au mur, et Jérôme Lostis d'épauler puis de presser la gâchette. Poum ! La fumée s'étant dissipée, il s'avança pour mettre la main sur le gibier, sans autre crainte que celle de l'avoir massacré pour l'avoir tiré de si près. Mais sa stupéfaction fut grande de constater que l'animal était aussi vivant que s'il n'avait pas reçu toute une charge de plomb dans le corps, même qu'il le regardait sans bouger avec des yeux comme ceux d'un homme. « Maladroit que je suis !» s'écria Jérôme Lostis, persuadé qu'il avait visé à côté, lui qui passait à juste titre pour le plus habile tireur du pays. Et il allait épauler une seconde fois. Mais le lièvre lui dit « Tu as tort de te fâcher contre toi-même, car tu ne m'as pas manqué. » Jérôme ressentit une telle épouvante que son arme lui tomba des mains. L'animal reprit d'un ton triste « Tire cependant, tu abrégeras d'autant mon purgatoire. » Et j'ai encore 707 vins et 7 coups de fusil à recevoir avant d'être délivré. » Jérôme Lostis ramassa en effet son fusil, mais ce fut, vous concevez, pour détaler au plus vite. Cette fois, c'était le lièvre qui avait fait fuir le chasseur. Conté par Marguerite Philippe, Plusunet. La truie aux 7 cochons noirs. C'était à Trégomme. Il y avait dans la paroisse une fille de mauvaise vie qui avait eu 7 enfants et qui les avait fait disparaître à mesure sans qu'on s'en fût aperçu. Mais elle mourut elle-même du dernier enfant et l'on sut ainsi quelle conduite elle avait menée. Peu après sa mort, des gens, passant à la tombée du soir près de la maison qu'elle habitait, virent dans la route une vieille truie, toute décharnée, suivie de 7 petits cochons noirs. « Tiens, » dit un de ces hommes, « voici une truie égarée. » Comme il y avait à côté de la maison une soue vide, il voulut y pousser la truie avec sa portée. Mais la bête aussitôt commença à grogner et à montrer des dents aussi longues que celles d'un porc sauvage. Alors, un vieux qui faisait partie de la bande dit « Croyez-moi, laissez cette truie tranquille, elle n'est pas de celle qu'on enferme dans les crèches. » Un autre soir, un domestique des environs revenait du labour avec le soc de la charrue sur les épaules, car en ce temps-là, on laissait la charrue dans le champ, mais on rapportait le soc à la maison. Il rencontra lui aussi la vieille truie. Et comme elle faisait mine de lui barrer le chemin qui était très étroit, il lui lança le soc de charrue dans les jambes. Mal en prit à l'imprudent. La bête fonça sur lui, le roula, le piétina si bien qu'il eut à peine la force de se traîner jusque chez ses maîtres, et qu'en touchant le seuil, il expira. Après cela, les gens de Trégomme, quand ils apercevaient la truie d'un côté, s'enfuyaient de l'autre. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que ces petits cochons noirs grisonnaient à mesure qu'ils avançaient en âge, mais ne grandissaient pas. À la fin, on alla trouver le recteur, le supplier de délivrer le pays de ces animaux singuliers. On aurait voulu qu'il les conjurât, mais il répondit qu'il n'y avait rien à faire. « Attendez 7 ans, dit-il. Ce terme passé, vous ne les verrez plus. » Et en effet, au bout de 7 années, ils disparurent. Conté par Anne-Marie Prigent, Bégard. Les âmes des gens dont Dieu ne sait pas, au moment de leur mort, s'il les sauvera ou s'il les damnera, sont condamnés à rester sur la terre sous la forme de corbeaux jusqu'au jour du jugement dernier. D'autres âmes sont condamnées à faire des mottes de tourbe en quantité suffisante pour chauffer 3 ans durant le purgatoire. D'autres encore à couper de l'ajon pendant un nombre fixé d'années pour chauffer le feu du purgatoire. Les deux vieux arbres. Ceci se passait à Plouganou il n'y a pas encore très longtemps. Il y avait là, dans une pauvre petite ferme, un brave homme et sa femme qui, n'ayant pas le moyen de battre leur blé à la machine, le battaient au fléau. Du lever du soleil à son coucher, ils besognaient de concert, l'homme conduisant le branle et la femme réglant son pas sur le sien. Vous pensez si, la journée close, ils retrouvaient leur lit avec plaisir, bien que le matelas en fût de paille de seigle et les draps de grosse toile de chanvre. C'est à peine s'ils prenaient le temps de souper de quelques patates et de réciter une courte prière. L'instant d'après, ils étaient allongés côte à côte et ronflaient à qui mieux. Le dernier soir, pourtant, quand ils furent Guastel, comme on dit, Guastel a proprement le sens de gâteau, mais il sert aussi à désigner la fin du battage. Être Guastel, c'est avoir fini de battre. L'homme parla ainsi à sa femme. « Radégonda, chez les riches, quand l'août est fini, il y a fricot le soir pour les batteurs. Moi, si vous me donniez le fricot dont j'ai envie, vous me feriez des crêpes, de bonnes crêpes de blé noir, comme vous savez les faire, Radégonda. » La femme, qui tombait de fatigue, s'écria. « Des crêpes, mon pauvre homme, vous n'y songez pas. D'abord, j'ai les bras coupés, j'ai besogné autant que vous, n'est-il pas vrai? Et, comme je n'ai pas votre force, je n'en puis plus. » Où voulez-vous que je trouve le courage de me remettre à chauffer la poêle, à délayer la farine et à étendre la pâte? Et puis, lors même que j'aurai ce courage, je serai encore bien empêché de contenter votre envie, car il n'y a plus une pincée de farine dans la huche. Ne savez-vous pas que depuis plus d'une semaine que nous vaquons à la récolte, vous n'êtes pas descendu chez le meunier? Oh! « Si ce n'est que la farine, je m'en charge. »« Quoi? Vous iriez jusqu'au moulin, après avoir déjà tant sué, tant trimé? Votre ventre est donc un bien dur maître, Hervé Mingant. » Hervé Mingant répondit suppliant. « Voyons, Radégonda, pour une fois. » Alors elle attendrit. « Je suis trop sotte de faire ainsi vos 24 volontés. Enfin, soit. Allez !» et tâchez d'être vite de retour, si vous ne voulez pas que je m'endorme ici dans l'intervalle tout habillé. » Elle n'avait pas fini sa phrase que l'homme était dehors, dévalant à grandes enjambées vers le moulin. Tant qu'il vit clair dans sa route, il courut plus qu'il ne marcha. Mais, à un endroit où le chemin semblait s'enfoncer en terre, entre deux hauts talus surplombants, force lui fut de ralentir. Bientôt même, il n'avança plus qu'à tâtons parce qu'il avait sur lui, outre l'ombre des talus, celle des très vieux arbres dont ils étaient plantés. Il allait donc avec précaution, assujettissant chacun de ses pas. Or, dans le silence qui était profond, et quoique l'air demeurât immobile, comme il arrive généralement par les chaudes soirées d'août, voici qu'il entendit, au-dessus de sa tête, le feuillage commençait à bruire d'une manière bizarre et tout inattendue. « Tiens, c'est ma foi une chose assez particulière, » pensa-t-il. Il leva les yeux et, malgré l'obscurité, reconnut à la blancheur argentée de l'écorce que les arbres dont les ramures bruissaient de la sorte étaient deux êtres d'aspect vénérable qui se faisaient vis-à-vis d'un talus à l'autre et mêlaient leurs branches comme pour s'embrasser. Ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que leur murmure très léger ressemblait à un chuchotement de voix humaine. Hervé Mingan suspendit son pas et prêta l'oreille. Plus de doute, les deux êtres causaient entre eux. Notre homme, pour les écouter, oublia moulin, farine et crêpes. Le premier des deux arbres, celui de droite, disait « Je crois que tu as froid, Maharit. Tu trembles de tous tes membres. » Et le second arbre, celui de gauche, répondait en grelottant « Oui, Gelvestre, je suis glacé, glacé, en vérité, jusqu'aux moelles. Toutes les fois que la nuit tombe, c'est ainsi. La fraîcheur me pénètre au point que c'est comme une nouvelle mort. Heureusement que ce soir, on fait des crêpes chez notre fils. Il y aura bon feu et sitôt que sa femme et lui seront couchés, nous pourrons à notre tour aller nous chauffer à la braise. » Alors le premier arbre, « Je t'accompagnerai pour ne pas te laisser aller seul, Maharit. Mais si tu m'avais obéi de ton vivant, tu ne serais pas dans la nécessité d'attendre que l'on fasse des crêpes chez notre fils pour sentir un peu de chaleur. Combien de fois ne t'ai-je pas demandé d'être plus charitable aux pauvres ? Sous prétexte que tu possédais peu, tu ne voulais rien donner. Et maintenant, tu en es puni. Parce que tu as eu le cœur froid, tu accomplis une pénitence glacée. Et moi, parce que j'ai été trop faible envers ton péché, je suis puni avec toi. Mais du moins, je ne souffre pas ce que tu souffres. Les pauvres que tu refusais, je les dédommageais de mon mieux à ton insu. Par exemple, je leur donnais, en carême, des morceaux de beurre enveloppés dans des feuilles de choux. Au gras, des morceaux de lard enveloppés dans des bouts de papier. Et, depuis, ce papier et ces feuilles de choux me font un vêtement qui me tient chaud. « Hélas !» soupirait le second arbre, avec un tel accent de tristesse qu'on eût dit qu'il rendait l'âme. Hervé Mingan n'en écouta pas davantage, au risque de se casser 20 fois la tête en trébuchant aux pierres du chemin creux. Il dégringola d'un trait la pente jusqu'au gué du moulin de Trohir. Au retour, il prit un trajet 2 fois plus long pour ne point passer sous les vieux arbres. « Ma foi !» lui dit sa femme, « j'ai cru que vous ne rentreriez plus. » Et remarquant son air hagard, « Qu'est-ce que vous avez donc ? Vous avez la mine toute pâle. » « Il y a que je suis à bout de force. J'ai les membres rompus. » Après la rude journée, cette course était vraiment de trop. Quand je vous le disais, enfin, consolez-vous, puisque vous avez apporté de la farine, vous allez avoir des crêpes. Oui, murmura-t-il, plus que jamais il faut que vous en fassiez. Pensant qu'il voulait signifier par là que la tante avait encore accru son envie, Radégonda se mit en devoir de le servir diligemment. D'ordinaire, 12 crêpes n'étaient pas pour lui faire peur, mais cette fois, dès la 3e, il se déclara rassasié. « J'ai, décidément, plus besoin de dormir que de manger, » prononça-t-il. « Oh, bien, si j'avais su, je n'aurais pas fait tant de feu, » dit sa femme. Elle se disposait à écarter les tisons après avoir enlevé la poêle, mais il l'arrêta. « Laisse brûler ce qui brûle et couchons-nous. » Il attendit qu'elle fût déshabillée et, pendant qu'elle lui tournait le dos pour monter au lit, il jeta une nouvelle brassée de copeaux dans la flamme. Radégonda ne fut pas plus tôt allongée qu'elle s'endormit, mais lui resta les yeux ouverts, l'oreille aux aguets. Par les volets ajourés du lit clos, placé juste en face de la fenêtre, on pouvait voir le courtil et la campagne au loin, car il y avait clair de lune. La nuit était silencieuse, sans une haleine de vent, comme généralement au cœur de l'été. 10 heures, 11 heures sonnèrent, rien ne venait. L'homme commençait à douter. Mais la demie d'onze heures approchant, il entendit un léger bruit, comme de branches qui traînent et de feuilles qui frémissent. Puis, peu à peu, le bruit grandit, devint une rumeur pareille à celle des bois agités par la brise, et l'homme aperçut distinctement les grandes ombres mouvantes des deux êtres qui s'avançaient vers la maison. Ils marchaient aussi près que possible l'un de l'autre sur le même rang. On eût dit que la terre les portait. On voyait, à la lumière de la lune, briller leurs troncs argentés sous leurs feuillages immenses. Ils traversèrent enfin le courtil. Frou, frou, gémissaient leurs vastes ramures. L'homme sous les draps claquait des dents. Jamais il ne se fût imaginé que deux arbres pussent ainsi, à eux seuls, faire tout le murmure d'une forêt. Leur bruit, maintenant, était autour de lui, au-dessus de lui, partout. « Ils vont renverser la maison, » se disait-il. Il entendait le frôlement des grosses branches contre les murs et sur le chaume du toit. Par trois fois, les deux êtres firent le tour du logis, sans doute cherchant la porte. Brusquement, elle s'ouvrit. L'homme se cacha la tête dans les mains pour ne point voir ce qui allait suivre. Mais au bout de trois ou quatre minutes, ne percevant aucun remue-ménage, il s'enhardit à regarder par les trous des volets. Et voici ce qu'il vit. Son père et sa mère étaient assis sur les escabelles de bois, de chaque côté du foyer, non plus sous leur forme d'arbre, mais tels qu'ils étaient de leur vivant. Et ils devisaient entre eux, à voix basse. La vieille avait relevé sa jupe de futaine rousse pour se chauffer le devant des jambes, et le vieux lui demandait « Sens-tu un peu la chaleur ?»« Oui, » répondait-elle, « notre fils a eu la précaution de jeter dans le feu une nouvelle brassée de copeaux. » L'homme alors réveilla doucement sa femme. « Regardez !»« Quoi ? Où ? » ?»« Là, dans le foyer, ces deux vieux. Ne les reconnaissez-vous pas ? » ?»« Vous rêvez ou vous avez la mauvaise fièvre, mon pauvre mari ? Il n'y a dans le foyer que le feu qui brésille. » « Mettez donc votre pied sur le mien, Radégonda, vous verrez comme moi. » Elle mit son pied sur le sien et vit en effet les deux vieux. « Dieu pardonne aux défunts, mais c'est votre père et votre mère ? » balbutia-t-elle en joignant les mains de stupeur et d'épouvante. Il répondit « De grâce, ne dites et ne faites rien qui puisse les troubler. » « Que nous veulent-ils ? » « Je vous expliquerai la chose quand ils seront partis. » Dans l'âtre, le vieux disait à la vieille « Êtes-vous assez réchauffée, Maharit ? Voici bientôt notre heure. » Et la vieille disait au vieux « Oui, je n'ai plus si froid, Gelvestre, mais il me tarde bien que ma dure pénitence soit finie. » Sur ce, l'horloge tinta le premier coup de minuit. Les deux vieillards se levèrent, disparurent. Et alors la grande rumeur de feuillage recommença le long de la maison. Frou, frou. Puis le bruit s'éloigna à mesure que s'éloignait aussi l'ombre des deux arbres sous la lune. Dans son lit, Radégonda frissonnait, ne comprenant rien à toutes ces choses extraordinaires dont elle était témoin. Quand la nuit fut redevenue déserte et silencieuse, l'homme raconta ce qui lui était arrivé dans le chemin creux et comment il avait surpris le secret des deux morts. « C'est bien, » dit Radégonda. « Demain, je donnerai une tourte d'oin pour les pauvres gens de la paroisse qui n'ont même pas le peu que nous avons et nous commanderons deux messes à l'église. » Ainsi firent-ils et, depuis lors, les deux êtres ne parlèrent plus. Conté par Jacquette Craze, L'en meurt. L'âme dans un tas de pierres. Si vous avez été au Menez Home, vous avez dû remarquer le tas de pierres. Art Bern Main. Ce tas de pierres est une espèce de cairn situé entre les deux principaux sommets du Menezhom, au pied de la partie de la montagne qui est connue sous le nom de Menezkelk, et non loin d'une ancienne voie romaine qui se dirigeait sans doute sur Crozon. Mais vous ne savez peut-être pas son histoire. Je m'en vais vous la conter. Autrefois, il y avait en Bretagne un roi très puissant qu'on appelait le roi Mar, parce qu'il était fort comme un cheval. Samson lui-même n'aurait pu jouter avec lui. Le roi Mar s'enorgueillissait de sa force. Souvent aussi, il en abusait. C'était un terrible batailleur. Malheur à qui faisait mine de lui résister. Quand il avait envie d'une chose, il ne se gênait pas pour la prendre, surtout quand cette chose était une belle fille qui lui plaisait. Il faut tout dire, le roi Mar avait aussi ses bons côtés. Par exemple, il distribuait volontiers l'aumône. De plus, quoiqu'il ne fût pas dévot, il avait une vénération particulière pour Sainte Marie du Menezhom. On prétend même que c'est lui qui fit construire la jolie chapelle qui est à mi-pente sur le versant de la montagne et qui, depuis, est restée dédiée à cette sainte. Quand il mourut, notez que c'est en pleine orgie qu'il trépassa, le bon Dieu parla de le damner. Mais Sainte Marie jeta les hauts cris et plaida si bien la cause de son fidèle serviteur que le bon Dieu se laissa fléchir. « Soit, dit-il, ton roi Mar ne sera point damné, mais son âme devra demeurer dans la tombe jusqu'à ce que cette tombe soit assez haute pour que, de son sommet, le roi Mar puisse voir le clocher de ta chapelle. » Le roi Mar, pour être plus près de la sainte, son amie, avait ordonné qu'on l'enterrât au Menezhom. On l'y avait enterré, en effet. Seulement, au lieu de creuser sa tombe dans le cimetière de la chapelle, parmi les morts du commun, on avait jugé plus convenable de lui faire une sépulture à part sur le versant opposé de la montagne, en sorte qu'entre cette sépulture et la chapelle, il y avait un grand dos de lande. Le bon Dieu, en mettant au salut de l'âme du roi Mar la condition que j'ai dite, pensait satisfaire à sa justice éternelle tout en condescendant au désir de Sainte Marie. Le roi Mar ne serait point damné, il ne serait jamais sauvé non plus. Oui, mais les saints ont quelquefois plus de finesse que le bon Dieu, tout Dieu qu'il est. À quelque temps de là, un mendiant, passant près de l'endroit où avait été enterré le roi Mar, rencontra une belle dame qui semblait porter un objet fort lourd dans les plis de sa robe. Il lui demanda l'aumône. « Volontiers, répondit la belle dame, mais d'abord faites comme moi. Prenez une de ces grosses pierres qui sont là dans la lande et venez la déposer sur la tombe où je vais moi-même déposer celle que je porte. » Le mendiant obéit. La belle dame l'en récompensa en lui glissant dans la main un louis d'or tout neuf. Vous pensez si le mendiant remercia. « Promettez-moi, dit la belle dame, qu'à chaque fois que vous passerez en ce lieu, vous ne manquerez jamais de faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Je vous le promets. Je souhaiterais aussi que vous fissiez la même recommandation à toutes les personnes de votre connaissance qui ont coutume de voyager dans la montagne. Je le ferai. Au surplus, je puis vous le confier. C'est l'âme du roi Mar qui est enfermée ici. Elle sera sauvée le jour où, de ce tas de pierres que nous venons de commencer, elle pourra voir le clocher de la chapelle qui est de l'autre côté du mont. Le roi Mar a toujours été bon pour les gens de votre sorte. Rendez-lui du moins en cailloux ce que vous avez reçu de lui en pain et en menu monnaie. Soyez assurés d'ailleurs que Sainte Marie vous en saura gré. » Vous l'avez deviné déjà, la belle dame n'était autre que Sainte Marie elle-même. Le mendiant s'acquitta en conscience de la commission de la sainte. Depuis lors, il s'est écoulé plus de 100 ans. D'année en année, le tas de pierres grandit. Chaque passant y apporte sa pierre. Moi, quand je chemine de ce côté, j'ai soin, dès le pied de la montagne, d'emplir de cailloux mon tablier. Beaucoup de femmes font de même pour être agréables à Sainte Marie. Avant que le tas soit assez élevé, il faudra sans doute attendre bien des années et des années encore. Mais aussi, le roi Mars sera sauvé pour l'éternité, et Sainte Marie aura joué au bon Dieu un tour dont certainement il ne se fâchera point. Voilà l'histoire du Bern Mein, conté au Porlonais par une mendiante connue sous le nom de Katik Koz. Mars signifie cheval. Ce roi, qui est appelé dans les romans français le roi Marc de Cornouailles, et qui, dans les Mabinogions et les Triades galloises, est Marc Ab Merchion, compagnon d'Arthur, est devenu le héros d'une légende identique à celle du roi grec Midas. Il faisait mourir tous ses barbiers de crainte qu'il ne racontât ce qu'il avait des oreilles de cheval. L'un de ceux-ci, qui avait été épargné après avoir juré de ne pas dire ce qu'il avait vu, raconta ce secret, trop lourd à garder, au sable du rivage. De ces sables sortirent trois roseaux qui, transformés en flûtes, répétèrent « Le roi Marc a des oreilles de cheval ». En Bretagne, on trouve cette légende près de Douarnenez.